Ciel, air et vent. Ciel, air et vent, plains et monts découverts, tertres vineux et forêts verdoyantes, rivages tors et sources ondoyantes, taillis rasés, et vous, bocages verts, entre moussus à demi-front ouvert, prés, boutons, fleurs et herbes roussoyantes, vallons bossus et plages blondoyantes, Gâtine, Loire, et vous, mes tristes vers, puisqu'au partir rongé de soin et dire, à ce bel œil, adieu je n'ai su dire, qui près et loin me détient un émoi. Je vous supplie, ciel, air, vent, monts et plaines, taillis, forêts, rivages et fontaines, antres, prés, fleurs, dites-le-lui pour moi.